Proverbe chapitre 4. Bénéfice connaissance bail. Petit moi yo, coûte yon papa la laban non bon élévation. L'ouvrez oreille non pour nous kage comprendre. Pas j'oublie un yen dans sa map montre nous là. C'est bon conseil m'a ban nous. Les moins té ti moun piti la kay papam, les ça moi té sel petit maman moi. Papam té montré m'en pile bagay. Li té kon dim kembe parol mwen nan kè ou. Fè sa m'ap di ou fè. Kon sa, ou a vive. Chache gen konesans ak bon kompran. Pa jambliye sa m'ap di ou la. Pa vire do bayo. Pa lage konesans ou, la toujou protege ou. Remèl, li pap kite an yè rive ou. Chache gen konesans, se premye bagay yo moun l'esprit dwe fè. N'importe ki sa ou ka genyen, bay li pou vin gen kompran. Remen konesans, la fè ou mache tèt ou. Kembel, palagel, la fè ou respecte ou. Se va yon bel bagay pou ou, ta kou yon couron sou tèt ou. Se va yon louange pou ou, kote ou passe. Kote sa map di ou, petit mwen. Pa bliye sa map montre ou la, kon sa ou a vive lontan. Mwen montre ou jan pou ou vive ak bon kompran. Mwen fè ou konen jan pou ou mache droit. Le wa vive avec bon comprendre, an yen pa barre woto. Ou met ap kouri ou pa jam bite sou an yen. Pa jam blye sa yo te montre ou, kembe l fem. Pa kite l chape en ba men ou, se tout la vie ou. Pa fe même cheme ak méchant yo. Pa suive exemple moun ki deprave yo. Pa fe sa, pa pran cheme sa yo même. Refize fait an kou yo, fe cheme pa ou. Méchant yo pa dormi tout autant yo pa fè sa ki mal. Dormi pa ka pran yo si yo pa rive fè sa yo vle fè a. Se nan fè méchanceté yo joine manje pou yo manje. Se nan fè moun mal yo joine divin pou yo boire. Chemin moun kap mache droit yo tak ou soleil kap leve. Chak lè la vin pi klere jok le fin jounèt. Chemin moun méchant yo fè noa kou lan nuit. Yo pa ka wè sou ki sa y abite? Petit mwen, louvri l'esprit yo pou comprendre bien sa m'ap di ou la. Louvri zore yo pou koute parol kap soti nan bouch mwen. Pa jam kite yo soti devanje yo. Kembe yo nan kè yo. Pa jam bliye yo. Se la vi pou moun ki jwenn yo. Se la santé pou tout moun ki kompran yo. Pase tout lot bagay, veillez bien l'idée qu'a travaille dans tête ou parce que c'est yo k'ap di ou ki jan pou vive. Pas jam kite menti sorti nan bouche ou, ni mauvais parole ni mot déplacé. Gade droit devant ou. Kembe je ou fixé sou chemin ki droit devant ou lan. Chache konnen bien sa wap fè. Kon sa, tout sa wap fè ap mache bien pou ou. Pa vire ni à droite ni à gauche. Pa lage kou nan fè sa ki mal.